pour la bataille, avec nos gueules d'épouvantail, tous entassés comme du bétail, dans des camions couleur grisaille, dans des camions couleur grisaille. Sûr que ce n'était pas Versailles, les murs pourris de Montmirail, sans lit de camp, sans lit de paille, juste un fusil sur nos poitrailles, juste un fusil sur nos poitrailles. Derrière l'acier lourd du portail, on s'est terré dans ce bercail, éclairé par un soupirail, en priant Dieu vaille que vaille, en priant Dieu vaille que vaille. On a tous quitté le sérail, 1er septembre c'est un détail, empêtré dans nos attirails, on est parti pour la bataille, on est parti pour la bataille. Cette colline était une rocaille, et les futaies de haute taille, on s'est battu comme des racailles, dans la pluie et dans la mitraille, dans la pluie et dans la mitraille. Au petit jour dans la pagaille, on tenait l'ennemi en tenaille, et sont venus les représailles, la sueur coulant sous nos chandails, la sueur coulant sous nos chandails. Qui peut raconter la ferraille, les munitions qu'on ravitaille, l'odeur de poudre et de ripaille, le sang jaillissant des entrailles, le sang jaillissant des entrailles. Où sont nos fiancés, nos fiançailles, Vierge Marie dans son vitrail, le chant joyeux des retrouvailles, le tocsin pour nos funérailles, le tocsin pour nos funérailles. On était partis en bataille, avec nos gueules d'épouvantail, tous entassés comme du bétail, dans des camions couleur grisaille, dans des camions couleur grisaille. Tu sais ce que j'en fais ta médaille ?